mettre son doigt dans mon cul. Une présence ambiguë. Une présence inconnue. Jusqu'à ce que j'en peux plus. Embrasse-moi, mettre son doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mettre son doigt dans mon cul. Une présence.